Chapitre 16. La captive. Quand Germaine Laurière eut repris ses sens, elle sentit qu'elle était étroitement enveloppée d'une étoffe sombre qui ne lui laissait la faculté d'aucun mouvement. En face d'elle, elle vit un individu très correct, vêtu à l'européenne, mais coiffé d'un turban. « Mademoiselle, lui dit-il d'une voix charmante, très douce, au moindre cri que vous pousseriez, je me verrais, à mon regret, dans l'obligation de vous appliquer ce bâillon. Veuillez ne pas me forcer à en venir là, je vous en prie. » Qu'attendez-vous de moi? Vous le saurez plus tard. L'heure n'est pas venue de vous le dire. Vous êtes entre les mains d'un puissant maître, c'est lui qui décide. À partir de ce moment, l'homme garda le plus profond silence. Aucune question, aucune parole de la jeune fille ne purent l'en faire sortir. La limousine filait dans la nuit avec rapidité, et rien ne pouvait indiquer à Germaine la direction qu'elle suivait. Au petit jour, l'homme sortit de la poche un flacon d'or ciselé qu'il déboucha et passa sous les narines de la jeune fille, qui immédiatement tomba dans un profond sommeil. Sa jolie tête se pencha sur son épaule, elle poussa un soupir et ne fut plus qu'une chose inerte. L'homme baissa les stores et la voiture continua sa course furibonde dans une campagne verdoyante où les villages succédaient aux villages. À 8 heures du matin, elle vira brusquement et elle emprunta un chemin soigneusement entretenu qui aboutissait à une lourde porte charretière qu'elle franchit. Là, elle s'arrêta devant la façade d'un château ancien qui avait été l'objet de restauration. Ce château se dressait au bord d'une falaise dominant une baie. La jeune fille fut tirée de la voiture et des serviteurs hindous la montèrent dans un grand salon où ils défirent le long suaire qui l'enveloppait. Alors, l'homme qui l'avait accompagnée dans la voiture commença avec un large éventail à fouetter le visage de Germaine d'un souffle frais, et peu à peu la jeune fille revint à elle. Elle promena autour d'elle un regard atone, car elle n'avait pas encore retrouvé le plein exercice de ses facultés. Mais bientôt ce ne fut plus qu'un simple automate que l'homme debout, les bras croisés, contemplait d'un air aigu et froid. La première question fut « Que me voulez-vous ? » Vos amis et vous-même avez recherché un homme que nous cachons et que vous connaissez. Dans sa sagesse, le maître a voulu faire de vous un otage contre vos amis. Votre vie dépend de leurs entreprises pour retrouver cet homme et vous-même. Ce soir, vous verrez Jacques Lambert. Le maître sera ici dans 2 jours. Il statuera. L'homme frappa dans ses mains. 2 autres hindous parurent. Ils saisirent Germaine par les bras, la contraignirent à se lever et l'entraînèrent jusque dans une chambre dont ils refermèrent soigneusement la porte. Germaine, qui avait repris tout son libre arbitre et son sang-froid, examina la pièce et se convainquit qu'elle était prisonnière. La seule fenêtre qui éclairait cette chambre était cadenassée, et derrière la porte, elle entendait le pas feutré d'un gardien. La jeune fille se passa de l'eau sur le visage, refit sa coiffure, arrangea ses vêtements, puis tout à fait en possession d'elle-même, elle réfléchit. Dans l'incertitude où elle se trouvait, une chose la rassurait. Escander ferait tout au monde pour la retrouver, car avec cette admirable intuition qu'ont les femmes, elle avait démêlé, sous les attentions qu'il avait pour elle et les paroles presque banales qu'il lui adressait, le profond amour qui l'animait. Vers le soir, on gratta à sa porte et on l'ouvrit. Un homme était debout dans l'encadrement et derrière lui se tenaient les 2 hindous qu'elle connaissait bien. L'homme entra, la porte fut refermée. « Jacques Lambert ! » s'écria Germaine. « Oui, fit l'homme, Jacques Lambert. Que faites-vous ici ? Pourquoi y suis-je ? » « C'est la volonté du maître, le maître qui peut tout. » Jacques Lambert était tel qu'elle l'avait connu. Quelques mèches blanches parsemaient sa chevelure, son œil soupçonneux, craintif, était toujours en éveil. Germaine, dès ses premières paroles, reconnut en lui l'homme infatué de lui-même, pétri d'orgueil et à demi-fou qu'elle avait naguère connu. Il s'était assis et peu à peu il se laissa entraîner aux confidences, conduit par le désir puéril d'exciter, croyait-il, l'admiration de la jeune fille, mue par le sentiment qu'il avait de sa supériorité. Alors, avec une exaltation croissante, il parla de ses travaux secrets, sans toutefois entrer dans les détails scientifiques de sa plus extraordinaire découverte. Puis il confessa que cette invention merveilleuse, il l'avait non seulement vendue au Raja Tokradasipal, mais qu'il avait monté, dans le château même où ils se trouvaient tous deux, une fabrique en grand de la matière inventée. C'est une merveille, cette demeure, conclut-il. En dehors de ma matière, on y a fabriqué aussi une série d'avions merveilleux. Des hélicoptères qui dépassent en rapidité et en stabilité tout ce qui a été fait jusqu'ici. J'ai, grâce au génie que vous me connaissez, rendu ces avions parfaitement invisibles. Vous serez saisi d'admiration en contemplant l'ensemble de mon œuvre. Et, demanda froidement la jeune fille, à quoi servent ces inventions? Je l'ignore. J'ai passé avec le maître un contrat qui prendra fin l'année prochaine. Alors je toucherai 6 millions, vous entendez? 6 millions. D'ici là, je vous l'avoue, je ne puis sortir de cette demeure. Ma vie se passe dans les laboratoires et les usines souterraines, mais après... La jeune fille se leva. Voulez-vous savoir, Jacques Lambert, à quoi sert votre merveilleuse invention? Alors, pathétique, violente, elle dit avec un mépris et une colère grandissante tout ce que le monde avait souffert. Les pays dévastés, ruinés, les morts, les femmes en deuil, l'épouvante paralysant la vie. En l'entendant, l'homme s'était transformé. Il avait écouté la jeune fille, tout d'abord avec indifférence et incrédulité, mais dans cette âme de ténèbres quelque chose s'était glissé. Le remords. Il vit avec effroi tout ce dont il était la cause. Un frisson le saisit et le secoua. Il allait parler, mais la porte s'ouvrit. L'hindou, celui que le Raja appelait Ravana, son secrétaire intime, et qui venait d'amener Germaine au château du Hoc, entra, calme et froid, laissant ouvert la porte par laquelle on pouvait voir deux autres hindous fortement armés. « Cet homme, mademoiselle, ne vous a pas tout dit. Au moment où il vint trouver mon maître, une série de crimes désolait votre pays. Ceux qui en étaient victimes mouraient soit de congestion par le froid, soit de congestion par la chaleur. Chaque fois, le crime était suivi de vol. Quand mon maître, en qui réside toute sagesse, eut en main un morceau de la matière découverte par cet homme, il fit un curieux rapprochement entre ces crimes et les propriétés de cette matière. Nous l'expérimentâmes sur un de nos serviteurs rebelles, et la preuve fut acquise. Ce qui fait que l'homme que voici se trouve placé entre le bourreau de son pays et les volontés de mon maître. Vous perdez votre temps, mademoiselle, à vouloir convertir ce bandit. Pour nous, nous poursuivons une œuvre sainte, rien ne nous arrêtera dans sa réalisation. » Puis, s'adressant à Lambert, « Il vous était défendu de parler. J'ai voulu éprouver la sincérité du serment que vous avez fait. Vous allez être puni. » Lambert était devenu livide. Ravana fit un signe. Les deux hindous vinrent prendre le chimiste et l'entraînèrent. Ravana se tourna vers la jeune fille. « Vous ne serez pas longtemps notre prisonnière, mais tant que vous serez ici, je vous engage à ne pas oublier que votre vie est peu de chose et qu'elle est entre nos mains. » Il sortit, la porte se referma, Germaine resta seule. Elle se flattait déjà d'avoir recruté un auxiliaire dans ce Lambert à l'âme pleine de ténèbres et au sein de laquelle elle avait fait pénétrer un pauvre et fugitif rayon de lumière. Mais maintenant, c'était fini. Le filet jeté sur elle avait des mailles trop solides et trop serrées pour qu'elle pût se flatter d'y échapper un jour. Accablée, elle tomba assise, la tête dans ses mains, en proie à un trouble et à un désespoir inexprimable.